Soir religieux, de poème par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Soir religieux. Vers une lune toute grande qui reluit dans un ciel d'hiver, comme une patène d'or vert, les nuages vont à l'offrande. Ils traversent le firmament qui semble un cœur plein de lumière, où s'étageraient des verrières lumineuses obscurément, si bien que ces nuits remuées mirent au fond des marées noires, comme en de colossaux miroirs, la messe blanche des nuées. Fin de soir religieux.